Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. Il bondit sur lui-même, par un mouvement empreint d'une si féroce énergie, il rugit si bien qu'il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s'appuyant de la clameur générale, les agents tirèrent leurs pistolets. Colin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque arme et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle. Sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu'à celui de la chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide. La goutte d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion rapide comme un éclair. Il se mit à sourire et regarda sa perruque. « Tu n'es pas dans tes jours de politesse, » dit-il au chef de la police de sûreté. Et il tendit ses mains aux gendarmes en les appelant par un signe de tête. « Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes ou les poussettes. Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. » Un murmure admiratif, arraché par la promptitude avec laquelle la lave et le feu sortirent et rentrèrent dans ce volcan humain, retentit dans la salle. « Ça te la coupe, monsieur l'enfonceur, » reprit le forçat en regardant le célèbre directeur de la police judiciaire. « Allons, qu'on se déshabille, » lui dit l'homme de la petite rue Sainte-Anne, d'un air plein de mépris. « Pourquoi ? » dit Colin. « Il y a des dames. Je ne nie rien et je me rends. » Il fit une pause et regarda l'assemblée comme un orateur qui va dire des choses surprenantes. « Écrivez, papa Lachapelle, » dit-il, en s'adressant à un petit vieillard en cheveux blancs qui s'était assis au bout de la table après avoir tiré d'un portefeuille le procès-verbal de l'arrestation. « Je reconnais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de fer, et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Si j'avais seulement levé la main, » dit-il au pensionnaire, « ces trois mouchards-là répandaient tout mon résiné sur le trimard domestique de Madame Vauquet. C'est drôle, ce mêle de combiner des guet-apens. »